Faire le bilan m'en accepte comme un 77 ans, c'est important. Se remettre en question chaque jour, ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment. Nous sommes tous des êtres humains et avons le droit à l'erreur, mais ne t'éloigne pas du chemin pour ne leur peur. Yes, I acting, c'est là, c'est I rest, I, yes. Faire le bilan de cette vie passée, tellement de moments à se remémorer. C'est la fin si seulement je pouvais remonter le temps. Faire le bilan de cette vie passée, l'amour de la mélodie comme consécration d'une vie. Les secondes sont des heures, mais les souvenirs demeurent. Une enfance originale, sans maman c'est peu banal. La vie est différente sous des airs musicales. C'est les rêves qui me hantent sous ce règne animal. Les conneries ça va mon train comme la tise et les joints. Change de vie comme de chemise, ce n'est que partie remise. Mon métier est dehors, mix de nature et de sport. Je prie pour me sentir mieux, je commence à croire en Dieu. La chance est enfin à moi, au départ ce n'était pas le cas. J'essaye de garder le sourire même si l'homme me fait souffrir. Méfiant je me confie à l'écriture, ce n'est pas dur mais pur. Ce n'est pas bien, je le sais, de ne pas se lâcher. Mais sans ça, crois-moi, tu ne m'entendrais pas chanter ma voix. Je le sais, la fée qui évolue. Et je suis et je reste simplement. J'essaye constamment, je tente humblement de faire le bilan de cette vie passée, tellement de moments à se remémorer. C'est la fin si seulement je pouvais remonter le temps. Faire le bilan de cette vie passée, l'amour de la mélodie comme consécration d'une vie. Les secondes sont des heures, mais les souvenirs demeurent. De la haine contre le système et pleure ceux qui le comprennent. J'aimerais retourner le monde, radier ces injustices immondes. Mais parfois je perds la foi, plus sensible que tu ne crois. Timide je le suis, quand je le dis tu souris. J'ai peur de l'avenir et aimerais beaucoup d'enfants, mais ne veux pas les voir grandir et comme moi faire le bilan. Le monde tourne à l'envers et pas fier de le dire. Et si tu penses le contraire je te lâche un sourire. Se voiler la face est une forme de lâcheté. Se regarder dans la glace est dur avec impures pensées. J'ai toujours prôné la paix mais parfois je dérape. C'est bien mon seul souhait de ne pas que je me rate. Comme chaque être humain la nuit je regarde les étoiles. Rêve de la main dans la main, ce serait l'idéal. Pense au passé, au présent, au futur. Forger tes idées pour qu'elles soient le plus pur. Faire le bilan de cette vie passée, tellement de moments à se remémorer. C'est la fin si seulement je pouvais remonter le temps. Faire le bilan de cette vie passée, l'amour de la mélodie comme consécration d'une vie. Les secondes sont des heures, mais les souvenirs demeurent.